Oui, allô, bonjour. Ah, je retourne à moi, quoi. Oui, allô, bonjour. Voilà. Je pense que c'est ici. Excusez-moi, mes amis, sur Facebook. Bon, voilà. Est-ce que sur YouTube, vous me captez très bien? Je ne sais pas. Excusez-moi, les amis sur Facebook, je suis en train de vérifier si vous me captez sur YouTube. Ces histoires ici. Ah, voilà. OK. OK. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Et nous revoici encore aujourd'hui, tous au Lamoké, pour la situation Yamboka Nabisso. Et les amis qui sont sur Facebook, on a évité. Ceux qui vous ont connecté sur YouTube, ceux qui vous ont capté, bien signalez-moi parce que c'est difficile que je contrôle. Hein. C'est difficile que je contrôle. Ah, voilà. Voilà. Je suis bien capté, je pense. Bon. Merci, une fois de plus. Tozalaki na ligne. C'était avant-hier pour que tout soit lamouqué sur les consultations de Félix. Et tout le monde a un point de vue Nabisso. Et sur consultation, au fait, Ezali Nini. Et dans le moment où il y a consultation, tout le monde a besoin, Ezali consultation, il y a Nini. Alors. Tomoni ba commentaire moi ebele. Ba mi ba pesi moi ba commentaire na bango sur ba consultation oyo. Mais hormis ba ndeko na biso ba milouvor, ba réaction nyonso sur ba consultation ndenge t'expliquer qui en la vidéo et avant-hier. Bazali kopé sa point de vue na bango na sens ya ko ya Oyo ya biso. Alors, il faut qu'on y ait makambo oyo bozo sala. Moi, je pense que moutou oba bengi un président de la République, ce qui a zali bien entouré de, abana commettre toujours ba bêtise. Azoye ba teli kambo sala, il tâtonne par-ci par-là. Et résultat n'ango ekozala toujours un fiasco. Un fiasco parce que na débit d'abord problématique na yo ezala ki bien posé. Ce qui est problématique ezali bien posé suite nyon se koya ekozala toujours un fiasco. Alors, même ndenge to encadraka ba na classe ba étudiant Oyo ba yaka na ba projet de thèse na bango ya ba dissertation ya ba mémoire jugement na yo na étudiant on ezali d'abord ndenge azo poser problématique na ye ce qui problématique ezali bien posé te je vous jure que suite nyonso ya travail na ye ekozala soit bâclé soit fiasco Alors, ezali de même avec un pays. Président de la République, il faut la bien conseiller pour que baye bisaye, ba ide, ce qui est mokazali na ba ide, ba meka un peu ko ide na ba ide na yewana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, ide wana ezali malamouté, ezali mabe, ide wana ezali bien à continuer, ou bien bango ba enrichir yango. Pour que l'idée ait sa forme, moko ya malam, pour que fiasco ait sa latte. Mais voilà un président de la République qui se réveille un matin, qui dit, bon voilà, nous avons initié la consultation autour du chef. Donc, chef Yemoko. Et pourtant, chef Azali leader. Leader Azali Moutou Oyo, après sa kanzela, après sa orientation. Bien sûr que leader Azali Moutou, Azali humain, Azali n'a pas compétence ni en sauté. N'a pas compétence Oye Moukouazanango, ou à Monique Azali faible était n'a pas compétence Ouana. Ce qui va aider Naye Outi n'a pas compétence Oyoazanango. Et Akobenga n'a pas proche Naye à partager ba aider Naye Ouana. Et par la suite, idée que vous allez développer et puis en pratique. Je disais qu'il y a un président qui se réveille un matin à Bengisi à ligner ça et sa consultation sans qu'il y ait quel type de consultation au yoyé à Zostalisa. C'est ça le problème. C'est ça place problématique et poser problème. Aïe quitter quel type de consultation au Azanango besoin. Ezali Conférence nationale souveraineté, Ezali en réalité consultation de Nanoubaki en avant-hier, Ezali consultation nationalité. Président de la République a remarqué que crise Ezali. Avant Yakobengi, ça copait sa forme ya consultation. Wana. Président de la République a koyeba d'abord crise Tozanango et Outi Wapi. Quel type de crise au Tozanango? À partir, il y a qu'à identifier type de crise au Tozanango, à quoi pèse à si qu'il y a forme, il y a ma consultation au Tozanango besoin. Alors, la forme, on a ma consultation, à quoi pèse à timing, nango, à quoi expliquer pourquoi Azobeng sa consultation, on a énoncé des motifs naïfs. À quoi expliquer raison fondée, à quoi bien sa consultation wana, et à quoi yébi sa batou, consultation tozanango, pour alongola équivoque na mitou ya batou, consultation tozanango ezali po nanini. Donc, le président s'est réveillé un matin, a yébité type à consultation ni nazanango besoin, a yébité crise nini tozanango. Mbalamoko, le président lance ma consultation. Alors, ma consultation, président, a lancé. Vous allez voir que ma cambounion, ce oya, ça là, batou oyo, bandekoyana, ma consultation, naye, confusion et zali na mitou ya batou. Confusion et zali na mitou ya batou, dans le sens que moutou na moutou, ayurika akomba consultation. A yébité quel type de consultation? Même ba o bazo invité batou. Ba yébité bazo invité nani po nanini. Alors, qu'est-ce que bango bazo sala? Bazo invité tout le monde. Na loba ki ngona vidéo et les kilos avant-hier. Bazo invité tout le monde. Alors, moutou na moutou a zoya na makanisi na ye, parce que za consultation a yébité quel type de consultation? Moutou na moutou a zoya na makanisi na ye. Pour que akutana na président. Et ce qui bomoni batu nyonso to soloi na bango, la plupart batu o to soloi na bango pour na o ba kenene ba consultation non pour na bango makanisi na bango tango bazo kenene na ba consultation c'était accueilli ba considéré ye et ye ba kosa la gouvernement parce que après consultation vous avez un dialogue na dialogue wana comme ye ba bengi ba consulter ye. Il a proposé que Tchabiso pe na gouvernement pour que Mongongo na biso eyebana eyokana. Alors, c'est ça la confusion que le président, soi-disant président, a semé na mitu ya batu. Mais maintenant, les problèmes, un autre problème se pose au niveau, il y a bah, invité pour consulter. Nani au consulter? D'abord, et nani au consulter, ce qui au départ énonçait des motifs na yo ezala ki malamouté, problématique na yo ezala ki malamouté, consultation nini, pourquoi zobeng sa consultation, pour na problème nini. Et nani akoyi koya na proposition, na problème oyo. C'est ça, likambutoza nango. Avant obengi sa consultation, je le répète, avant obengi sa consultation, il faut koyeba pourquoi ozana besoin de consultation. Ana. Quel problème bozanango? Quel type de problème bozanango? Et nani azali na compétence yakoya na ba proposition. Oyo olingi parce que ozo consulter après consultation oko décider. Alors il faut que ba nani oyo za ba compétence o akoya ko proposer yo ba idée ya malamu. On n'invite pas tout le monde. Obengisa ba we wa mabe, obengisa oyo mabe, obengisa oyo mabe. Mais le loto link ko tcha moi point moko ya moke sur mon groupe moko déjà ba oyo ba leki na consultation. Pona ba opposant lo ba ki déjà. Par exemple, Bemba, par exemple, Bakatumbi, Batouana Nyonso, je l'avais déjà dit que Batouana, en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont censés parler au nom du peuple. N'explique qui, que signifie peuple. Alors, récupération, il y a mot peuple, wana, il y a un réseau pour Mambo Kanabiso, parce que n'explique qui, en gros, pour Nabatoubalanda qui bisotait avant-hier, moi, mon cousin, Nalobaki, que peuple, Otozobenga, peuple, Ezali au niveau de revendication, c'est-à-dire que société nyonso, pays nyonso, ezali catégorisé naba groupe sociaux. Alors, ba groupe sociaux, on a tous ali naba bourgeois, batu ya mbongo, batu ba botama na bomengo, batu ba zwa bomengo, tous obenga bango ba bourgeois. Alors, tous ali na groupe mususu, o tous ali ko benga ba élite. Ba élite ezali na bato oyo ki se croit bango baza mayele bango kaka bato bakoki koloba un mot pour na pays bango kaka bato bakoki ko diriger pays. Alors groupe mususu ya suka ezali groupe o tozo benga ya babola. Babola ezali juste o tozo ali ko benga peuple. Na kati ya babola ona tozo ali na ba catégorie ebele. Ba masse ouvrière bato misala tozo ali na ba chômeur tozo ali na basi tozali na bana, tozali na ba groupe ebele ya babola. Alors, bato wana nyonso bazali na ba revendication na bango. Revendication ezowuta na façon bazali ko vivre. Pasi eleki, classe ezate, hôpital ezate, moyen ko voyager ezate, kozwa ta identité na yo carte d'identité, c'est un droit de oza na ngote. Moto moko te aza na carte d'identité na Congo et ba Congolais boyebi te carte d'identité ezali droit na bino gouvernement il faut apesa bino carte d'identité na bino ezali droit na bino alors ko voyager passeport ezati ko za na passeport ezali droit na yo gouvernement il faut apesa yo passeport ezali droit na yo alors biloko ezali bele basi par exemple violence na bandako violence conjugale na bandako ba forme ba violence ezali bele. C'est-à-dire que ba groupe wana nyonso na basi bazali na kati ya oto bengi peuple. Peuple basalaka ba revendication na bango, ba demande na bango et pa ya ba bourgeois o bazwa mboka na otage et pa ya ba élite o bazwa mboka na otage. Et na pesa ki exemple ya ba élite na ba bourgeois na mboka na biso. Na mboka na biso ba bourgeois ezali batu lokola ba famille ya ba Bemba, batu lokola ba famille ya ba Katumbi. Ba élite, lokola bato famille ya Tshisekedi, bato lokola ba famille ya Gizenga, voilà ba catégorie wana. Oyo sikoyo bazwaka mboka na otage. Bato mususu babola bozana eloko koloba te. Oyo mboka eza mboka Tshisekedi. Oyo mboko eza mboka Gizenga. Oyo mboko eza mboka ya ba Bemba. Vous comprenez? Alors, mais maintenant, peuple, il faut à Lucas se libérer parce que bato oyo bazoko sabiso, bazali ko s'enrichir na kombo na bino. Mais maintenant, le danger, c'est que les alliés, ceux qui n'ont pas moko bato baza mayele au commun, c'est que les bourgeois, groupe oyomi balé ya liboso, les bourgeois, les élites, les récupérer, c'est que les demandes ya peuple. Les récupérer, les demandes ya peuple, et comme asiko ya bango pour ba utiliser comme tremplin pour ba koma na pouvoir. Alors romona bango ba kobima alali alamuki peuple kuna bazo réclamer nzala tozo liate tozo kende classe te hôpital ezate moyen to voyager ezate mais bokomona riche moko bourgeois moko lokola bemba akolala kolamuka asauter aya récupérer ye pa ye okotra molongo ya bato ya nzala. Vous comprenez que Batu Yaboye azali mutu oyo en réalité aye po na binote aye po na peuple te aye po na babola te aye nde po na ba intérêt na ye po na richesse na ye a pro, ba protéger yango ba élite pe ndenge moko. Alors mais maintenant ezali problème ya peuple oyo bazali mayele oyo bafungwa déjà bazali éveillé ba remarquer que Moutou oyo aza moutou na bisote, aza parmi bisote. Bemba aza élite, azali bourgeois, azali peuple te, azali mobolate. Katumbi aza bourgeois, aza mobolate. Mais pourquoi bazwa ko récupérer demande mouvement na biso, ba aide biso, biso malobeza te. Na katia babola moutou akolo, ba na komba babola azali te. Alors, natango ba ko récupérer mouvement ya babola, ba ken nango ko présenter ba revendication na pouvoir. Pouvoir, on a si que oui, bazolo mingi topé sa bango to se partager. Natango ba se partager ba comment na pouvoir ba ko kipe bino ba bolate. Exemple na pesa ki na vidéo wana, exemple ya Bemba, exemple ba Katumbi. Donc, les gens qui disent que Katumbi a pesa ka batu biloko mais na pesa ki exemple wana que non, mutu lokola Katumbi c'est quelqu'un par exemple a yibio 1 million de dollars aye ko zongi c'est yo 100 dollars au sepeli na ye aza mutu malamu. Bemba la même chose. Na komba peuple a kenda yeko zomi nduki po aboma ba Congolais. Mais na tango akoma ki vice-président, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il a protégé ses richesses. Alors, biloko yo, ça ne se passe pas seulement na Congo, et le kakarabambo ki bele. Et maintenant, ça dépend na population, na peuple yemoko, aye ba ko se libérer na biloko wana. Je ne sais pas, mes amis, sur Ibozo la Nanga, parce que na zomona ya aucun mouvement, ezala na YouTube, ezala na Facebook. Est-ce que Batubazolananga, les gens bah, mis dans Facebook, signalez-moi par un message que Bozolananga bien. Excusez-moi. Je pense que ça va. Voilà, donc je disais que Bilokwana, il faut qu'on fasse qu très attention, peuple, il faut baser la bâtiment éveillé. Mais, vous voyez, il faut que l'on cannabis, il faut que l'on la vérité, que l'on cannabis en réalité, bah élite, na ba bourgeois, oyo, na tango, bah zui peuple, na biso, mbo cannabis en otage, bah yebaki ke, il faut tout tchabango frein côté à kotanga. Vous voyez, que l'on cannabis en réalité, na koyi ko l'on il y a instruction dans le cannabis, et ça y a 40%, 60% dans le cannabis, bah, en réalité, entre guillemets, batangate. Ce que dans le batangate, ça ne signifie pas que akenda classe t'es, bah, c'est mille lettrés, bah, ça est belé. Excusez-moi, j'ai expliqué que, qu'autant dans le moment où le monde évolue, D6 dans le cannabis, en réalité, c'est comme un semi-lettré. Moutassala PP4, section normale, n'a tant au yo, monde n'a évolué, azali semi-lettré. Alors, monde est évolué. Et mbo cannabis, ce qui botali bien, c'est plein de D6. Et azali vraiment, moi, pas si mingi pour compréhension, et zala penza bien, bien. Vous tout le monde la vérité, c'est vrai. Alors, il faut qu'on avance les sous moi moqué hein qu'on soit moi ma capacité moi moqué il y a raisonnement critique alors na lo bena kéron la vidéo là mais les lo na ningi na lo bas juste moi et lo komoko na batu oyo ba consulter comme je l'ai dit na yé komo na groupe ya bana Félix abengisi bango na moni bango na ba Macron pardon na ba comment on appelle ça ba batch. Batch en français, c'est quoi? Macaron, voilà. Naba Macaron, Liboso ya Félix. Ce qui Nathalie Bilongia, banana, je peux m'estimer, estimer que banana basali moins de 18 ans. Ba oyo ba bengi ba chege. Félix pe a bengisi bango, baya pe a consulté bango, ba pe sa point de vue na bango. J'ai posté ça na Facebook, na moni bandeko ebele balobi, ah, bango pe, il faut pe baya koloba problème na bango. Justement, ezali esika nazo poser problème ya classe. Esika nazo poser problème ya classe ya mwana. Omoni ndenge to botamaka mutu na mutu so otangi déclaration universelle des droits de l'homme mutu na mutu azali na ba droit na ye mutu nyonso azali na ba droit na ye mwana même abotami lelo même azali na kati ya libumu mais déclaration universelle des droits de l'homme et l'obéli droit ya mwana na kati ya libumu te mais moi quand j'enseigne je dis toujours s'il faut réformer Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, na oazana kati ya libumu. À partir du jour à liboso, azali na ba droit na ye. Yango ezotinda cheminement que okoyi ko avorter te même ozali na zemi ya une semaine, ya un jour, ozana droit ko avorter te parce que moi na kati azali na droit ya vie. Alors, moi na soki abotami abandi kokola banda abotami ba droit na ye ezali. Mais attention, na droit de l'homme, moi na azali na ba droit na ye. Moi na azali na ba droit nyonso oyo ba bengi droit ya mwana. Ba droit ya mwana, ndenge na ko exerce ba demande pour na ba droit na ngai. Na mwana oyo azali na moins de 18 ans na ka ya Congo, ezali ndenge moko ti. Ngai lelo, je peux décider na vie na ngai lelo, ezali droit na ngai. Si ko ndenge na vandi awa, na ko yikoloba ke bon, na zo kende ko bima libanda, na somba masanga na mela. Posa masanga, eyeli ngai. Na décider, oui, na lingi na mela. Ezali droit na ngai. Moto ko empêche nga na mela masanga wana, azali te. Mais, Catégorie ya batu o ba bengi enfant. Oui, bazali na ba droit na bango. Mais ezali na ba certains droits mususu. Azali autonome te ya kozwa décision ya droit na ye. Boko remarke ke na kati ya ndako bana boyebi batu o bazana bana bayebi, bana balingaka ba sucrerie mingi. Bana balinga kolia ba bonbon, balinga kolia ba biscuit, balinga komela ba sucrerie, balinga komela biloko o ezali sucré. Mais okomona ezali droit na ye, ya kolia, manger c'est un droit. Mais pourquoi to pekisaka bana biloko mosusu na kati ya ndako oyo kolia te, mwana komela masanga te, pourquoi? Et pourtant ezali kolia, ezali droit na ye, n'est-ce pas? C'est ça la nuance. Il y a droit de l'homme. Mwana azali na ba droit na ye. Mais ba droit nyon so azali autonome te po a décider po na yango. Alors, qui décide na place ya mwana? Ezali ba parent, ezali gouvernement, ezali société. Mwana ko yiko lamka leo na tonga lobi na okende classe te. Na boyi ko tanga eza droit na ngai na ko tanga te. Est-ce que parents ko tika mwana wana vana na ndako atanga te? Eza droit na ye, n'est-ce pas? Azali mutu, n'est-ce pas? Mais non. Ba droit nyonso ezali autorisé te po na mwana. Voilà un président de la République azo consulter batu. Na kati ya batu wana abengi si groupe ya bana. Ba chege a consulter bango. Bana na ndenge na mona ki bango, bazali moins de 18 ans. C'est-à-dire, bana wana ba droit na bango nyonso bazali autonome na ngoti. Lokola to bengi bango ba chege. C'est-à-dire que bana na bazali na ba parenté. Nani azali ba parent biologique, disons. Nani azali parent ya bana wana. Ezali l'État. La question qu'on se pose, est-ce que Félix, en tant que parent, a zana bana nandako, a yebi ba besoin ya bana na ba bengi ba chegete? Nana tombola mosapi, alobake ayebi ba bezwa ba chege te. Bisonso yebi ba bezwa ba chege. Un d'abord, ba chege bazana ba parenté, ba chege bazana ndakute, ba chege bazotangate, ba chege bazolia malamute, ba chege bazolala malamute, ba chege bazokendo hôpital te. Bashege bazali na ba besoin nyonso mutu nyonso ndenge bo vandi liboso ba television na bino liboso ba telephone na bino ba computer na bino bo yebi ba besoin ya bashege. Alors dans des consultations comme ça, les gouvernements se présentent comme parents ya bana wana parce que bazali ba mineur. On ne consulte pas ses enfants, on exécute ba droit na bango mbala moko parce que to yebi yango. Bato oyo bazo benga pona koya pona ba consultation. Okoya na consultation bon tabate ndenge ba soda na biso balobaka. Okoya te maboko pambaka boye président benginga na kende ba consultation. Non, avant d'abord yo président o bengisa bato wana pona consultation. Il faut koyeba est-ce que bato wana bazali parmi ba oyo bazo poser ba revendication peuple. Et si kana posa ki problème, il y a koyé ba problématique, il y a consultation. Est-ce que zali consultation politique, il y a ba politicien na lobité ke vie sociale les ali politique te ndenge bovani na kata banda kuna bino yo na mwasi na bana na papa bino nyonso, vous faites la politique, c'est de la politique parce que politique il faut s'occuper na ba besoin ya ba so, ya social ba besoin ya banda. C'est de la politique. Politique ezaka kate bomona safu azobina wana politique. Politique ezaka kate bomona Félix atinda bawe wana na parler du peuple wana non, politique ndengo vani na ndaku na yo. Ce que vous faites ba besoin na bino, économie ya ndaku na bino. Ba besoin ménager na bino ya ndaku, c'est de la politique. Alors, bana wana bashege bazali batute o ko yiko bengisa po bango o ya ko consulté bango parce que un d'abord bazali ba mineur, deux bazali na compétence moko te ya ko pesa une idée projet na bango ezali nini projet na bango to yebi yango kolongola bango na balabala ko tia bango na se ya batoa ya bandako kotinda bango na classe kotinda bango na hôpital kotinda ko pesa bango bilamba ko pesa bango biloko kolia ko pesa bango ba formation. C'est ça ba besoin na bango. Alors voilà les enfants qui arrivent devant Félix ba pesi bango ba makaro ba bambi bango ngo na ba épingle na ba chemise na bango. Ils arrivent, ils regardent Félix bazolo belo côté. Est-ce que Félix vraiment ayeba ki ba besoin bana wana te? Ezali avantir. Les alliés avant-il, pourquoi ils ont un pays qui est là? Bana wana bazali na droit, na ba devoir, devoir na bango ezali fou ba kende classe, devoir na bango ezali fou ba tanga, mais bino il faut tia bango na environnement, oyo bako yiko tanga, oyo bako yiko kende classe. Ezali te bo benga bango pour na ba consultation. Et na ba consultation a boye na lobaki yango, on n'appelle pas n'importe qui. Tozali na explika ki yango avant-hier. Tozali na période de crise. Ba benga ka batu oya ko yana papier. Quelqu'un qui vient avec des papiers pour proposer. Quelqu'un qui vient, et d'abord batu oko benga, bazali parmi batu oyo bazali na ba revendication. Batu oyo bazali na ba demande. Ba revendication sociale, ba demande. Alors, ce qui est au lobby, au bengi sa consultation générale, nationale, alors il faut catégoriser. Au bengi si, batu oyo bazali, na ba demande politique, ba politicien, de lo ba groupe wana. En plus, au bengi si, ba acteur moussousou. Parce que au lingi ba consultation globale, c'est pas un problème ça. Mais, ozo bengisa mutu nyonso et ozo yebate mutu na ozo bengisa akoyana nini et les gens viennent liboso na yo ba vandika même les comédiens qui sont partis le voir ba ebisingai il y a que deux comédiens qui ont parlé ba mususu batu na bango ono kaka ndenge ye alobi yango ngai pe kaka ndenge papa saisa ya lobi ngai pe kaka ndenge saisa ya lobi ngai pe kaka ndenge saisa ya lobi mais yo oye na nini rien du tout alors la situation o ezali na mboka na biso bo retenir yango nayebisaki bino makambo ya Vital Kamerhe na bapoison na présidence na ntango nalobaki yango bato bandimaki ngai te mais par la suite bato bandimaki ngai nayebisaki bino makambo Félix akoloba na discours na ye tobandai bato babandai kozela koloba nini akoloba nini nasalaki mwa video ya 6 minutes nayebisaki bino qu'est-ce que Félix va dire makambo Félix alobaki in extenso ce que j'avais dit lelo bo retenir na mikolo ezali koya trouble kozala makasi na mboka na biso trouble kozala makasi na mboka na biso trouble wana kozala koze parce que Félix ba element azana ngo ezali ko tromper ye ce qui va se passer c'est que Félix va faire assassiner Kabila c'est vrai Félix va faire assassiner Kabila. Na représailles, Batwa Kabila va assassiner famille à Félix. Quand je dis famille, c'est la famille biologique. Famille biologique, na famille politique à Félix. Et na ba trouble wana Félix yemoko akukima. Akukima, akou s'exiler quelque part. Et tokozonga na période ya tango babomaki Laurent Désiré Kabila les soi-disant politiciens obino benga ba politiciens na benga ba politiciens te ce sont de charlatans ba ko se terre na ba toilette na bango et les restes ya bato Kabila les Rwandais ba ko récupérer toujours pouvoir ba ko continuer toujours bon noté à Molelo, ce que je vous dis, yamwe ko salema. Nandenge ya ba planning, oyo bazo sala, to yebi déjà. Ya un conseiller ya Félix, oyo bazali moins malin. Naibsaki bino que j'avais 5 au ba pesa kabiso ba information moko azongi milovor azo pesa sur information te mais c'est trop tard parce que eloko nyonso tozala ki nango besoin et pa na ye tozwa ki yango na tango to disposa ki un téléphone non faut sombe la biso téléphone ya Samsung o ya Sika o penza ya Sika ebimi sikoyo tindela biso ango po to itilizaka ayebaki te ke telefone wana on pouvait le contrôler même à distance alors on lui demande juste dans le cadre politique ya kozala kimia soki azali kimia te tokocha sur le net makambo nyonso bapel na ye comme est-ce qu'afinga quand même président na ye moko conseiller comme est-ce qu'afinga ka président na ye moko ki azali ki zengi quand un conseiller te dit ah prof ndenge oloba ki azali ki yungu vraiment azali ki yungu conseiller de Félix nalingi kobomisa bato te mais en tout cas il y aura un moment où on va déballer tout le monde. On va déballer tout le monde. Alors, tozonga na makambo ya bana ya Mashege. Ozomona, vous remarquez que ba activiste ya droit de l'homme qui lutte toujours contre bana basala misala. Bana basala misala, excusez-moi. Qui lutte toujours ba violence contre bana. qui lutte toujours contre violence, violence contre Bassi, Bahimé en général. Tosepelite, je vis Batomoussous, Bandekomoussous qui disent, bon voilà, Félix, na sepeli na ye, quand même, hein, na bana pe a bengi si bango yo kabango. Vous voyez, bate ke bana na bazali bana mike. A quoi il bengi sa bana wana te na consultation. Bana wana ba besoin na bango ye bani. Le gouvernement et le président de la République azali parent ya bana wana. Bana na ba revendication na bango, bato bako poser yango ezali ba parent. Bana wana bato bako tourner ezali ba parent. Bana ko bengisa bango na consultation po baya na nini parce que tout ce que bazana ko besoin bino boyebi yango. Ezali juste mascarade donc pour na ko tromper bato. Et nous parlons en tant qu'experts dans le droit de l'homme, ce que Félix a fait, et ça, la marabout côté. Et ça, la marabout côté. Place, il y a Banana et Zalaki Nanda qu'on a été à consultation. Alors, et là, M. Stolina, il signalé avant tout Kata, parce qu'on a autre chose à faire. Bon, autre chose à faire, tout, bah, il faut quand même tout là, là. Tous allez 5 heures, 5 minutes, 5 heures du matin. Et que là, la biche et comment vraiment mon boulot. Tu évites tout là, la penza air nini. Alors, même peut-être vous sentir que c'est toute la nuit qu'on a travaillé. Il est maintenant 5 heures, 5 minutes. Et moyen énergie, ça la penza ma casse. Et na 8 heures déjà, non, disons 9 heures, cours les alli. Dans 5 heures, surtout ici, dans quelques minutes, tout le monde et tout ça l'assemblée, on l'a lamqué. Et par la suite, tout le monde qui va à 8 heures, on se prépare pendant 1 heure, et puis à cours et bandit, dans 9 heures. Alors, et le cotolinaï kolobake, les alliés ont importance, c'était Yako. Attaquer Bandeko Oyo Bazali Kolobela Félix. Dans le moment Oyo, parce que tout maintenant est clair. Ils ont la Bandeko Oyo Bamilouvor, ils ont la Bandeko Moussousou, ils ont compris que Félix a mis Tchaye Mokona Potopoto, Félix Azali n'a capacité à diriger Mbokate, Azali même n'a capacité à diriger même une petite école. Moutounion so o azali conscient, ezala milouvor, ezala tatou, ezala mamou, ezala nalimete, ezala idepes, ezala barwande, ils ont compris que en réalité, ils se sont trompés na moana ya Etienne Tshisekedi. Donc, ndenge ezala kaka na kata ndako wana ndenge ezalaki, accès na ndako wana ezalaki donné na tout le monde te. Alors, ezalaki difficile pour Batoubaye, Bayeba, pardon. Baye bana kata ndako Etienne Tshisekedi nani mwana zali mayele nani za mayele te e bana kite to bana iko mona kaka na limete bole kya ndako a Tshisekedi me na kata ndako ana franchement e bomba ki biyungwe bele e bomba ki vraiment biyungwe bele alors moko satana salisi Kabila po satana pe er moko salisaka a salisi pour que Kabila à travers Kabila, Abimisaki Yungumoko, pour voir comment que franchement, dans cette maison de Tshisekedi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, Mangungu, il n'y a pas rien. Alors, na ébité compétence, il y a Félix Ezali, na Elokonini, à part Koyibambongo, à part multiplier, vous, n'avez Bible et lobby, moutou, il faut remplir la terre, wana vraiment, promesse, il y a Bible, wana, Nzambe, Pesabiso, Félix Azor rempli dans mon malam. Alors, Kouyi Bambongo, il y a l'État, et Zali Biloko Anaka mi balé Félix Aébi. Multipliez-vous, et ah, et Lokwa Misatu, Kokosa, Bukuta. Félix, expert na mensonge, expert na multipliez-vous, remplissez la terre, expert na détournement, il y a fonds public. À part ça, Nanya Yébi compétence, il y a Félix Atta Moko. Aebisangai awa. Soko pesina ta compétence moko, lobi na tongo, je veux me pendre. Ah, namoni milouvor moka komelinga bo compétence na yo ezawapi. Ah, olingo yeba compétence nanga, bon, pièce contre pièce. Omoni na sima nangai, ah, o bazana Facebook bokomona te. Bah, bazali na YouTube bomoni ya sima na ngai esika na vandi bozomona ba image eza mibale moko oyo nazoloba mususu na sima na ngai ezali photo photo wana ezali wapi moto oyo azali na ba compétences te bakoki kobenga yo na réunion stratégique je dis bien réunion stratégique na monde babengisa bato 42 na monde. Monde tozala bato combien? Combien de milliards d'habitants na monde tozali? Alors, batia yo parmi 42 personnes okende na ONI, biro na bozomona ngo, ezali na kati ya ONI na New York et na sima nanga bozomona ba représentants ya ba pays. Vous voyez par exemple na bozomona oya mwasi, bango mibale o bazana sima bazali basi, représentante ya Canada. Oya landi représentante ya États-Unis o mususu délégation je pense ya Vatican et bazali na sima na ngai donc il faut voyer baké tozali biyungute parce que so ozali ki yungulo kola Félix et sika oyo mutuma obenga yo azate soki na chetembe soki na kosi nani apesa nga photo ya Félix ata moko avant Kabila komisa ye président Bola sangata photo moko mi balete moko kaka ya Félix na bisika ya boye mi balete naza na besoin mi balete te moko kaka soki bola kisika ka moko photo moko kaka ya Félix na bisika ya boye kaka ko sisa nazo sisa live na loki singa na midi mpiki na luka te sentir na ngai zali nazo midi mpika avant to kabwana bole kata na Facebook kuna na messenger poste ka photo a Félix moko avant Kabila comme c'est président na bisika ya boy donc tango toyaka te poto to faire amuser la galerie oui mboka na biso Congo eza mboka oyo e respectaka baninga te e valorisaka bana na bango te mboka na biso eza mboka ya bachaka biyungu so zaki yungu okozala na position na Congo kiyungu liboso Kabila bacha ye président qui yu mwami ba le Félix président après Félix Bokomona qui yu mwamusu su fils mokoko comme président alors tozoya juste pour éveiller notre peuple ba souffrir makasi ah oui peuple nazali parmi ba peuple nazali moko ya ba peuple nazali bembate na botama na bourgeoisie nazali katumbite nazali mwana oyo abanaye kolia tango msu sole bikeli nanzika Bemba si alia bikeli nanzika. Félix si alia bikeli nanzika. Ayebi ndenge pesaka son. Guni nye pesaka. Ah oui. Ah, er moko suka li ezate. Bake buka penza. Bame nga onini. Koko. Koko penza donk. Balambiti. Babuki koko. Bo kamuli maya koko. Wana ekoti na katia ti. Suka li. Bo meli. Lipa penza ezate. Na plaza lipa bikeli. Bie manioko batumba. Katumbi asi aliango Bemba asi aliango Félix asi aliango Nazali moko ya peuple Est-ce que Bemba asi alata coupe madofolo Aibi ventilation oye pesa oke Na classe matongo tongo ave coupe madofolo Na sima de trou Bemba aibi yango Ventilation oye pesa kana tongo tongo Po ero oke ni classe Ero nana ba jante Mouni ba jante ya ba pne a vélo Ah na mwanzete Nanze la classe mbango bino nyos molongo so tali ba coupe na bino mawa na sima voilà na uta kuna je suis peuple alors soki tozo akoloba tozo lobela pona yo pona mutu nyoso mboka na biso afrique na biso yo koma lokola amerique du nord le lote yo koma lokola europe le lote mais ce que nous demandons le minimum ya vie ya batu ezala Minimum ya fia batona tozo senga lelo ngai personnellement mutu nako beneficier na ngote. Je ne suis pas là. Soki na lobi na vanda esika na vandi na okufa, na kufa place na zali, na okufa place na zali. Biloko ya nyoso tozo senga oyo ngai nako beneficier na ngote. Ngai ndi na zabo e mwana nga kolia susu bikedi te. Mwana nga otambula suna kupa madofolo te. Mwana ngai ako zanga kisi na hopital te. Me soki tozo bima boye tozo loba pona yonde kona ngai. Mwana na yo, ndeko na yo, oa vandi na Congo, bandeko na biso na Est, na Kasai, na Katanga, na Bandundu, na Bakongo, na Equateur, na Oriental, na place nyoso. à se retrouver quoi, que na classe bas à la considérer le quoi bah humain. Alors il faut pas venir quoi embrouiller partout parce que biloko toujours senga yo posa na kati toujours senga biloko na pona yo pona moi na yo pona bana ya bana na yo. Alors pourquoi qu'on sacrifie batu nyonso au profit ya mutu moko ya famille moko? C'est pas important et ça important est. Alors et Nathan Otozolo Baké Félix, tant le Baké Félix Azali ki yungu, ce que dans le Baké Azali ki yungu, c'est vrai. Mutumoka ko prouvé le contraire té. Nana prouvé le contraire que Makambozolo Baké Félix Azali ki yungu ezalo kota. Non, il y a des moralistes qui viennent nous dire bon prof, bon niyo na niveau na yo, allez lobo yebi niveau na nga ke naza prof. Les lobo yebi niveau na nga ke naza prof parce que Natango na yebisaki bino ke eza lokuta naza prof naza cuisinier te bondimaki yango. Alors tango bo vérifier bo moni ke bo vérifier awa béton na Suède batatu misatu bake na ambassade ya Corée batatu misatu bake na ambassade ya Corée bake ne bo vérifier yombi azanani ba yebisi ba leke la tatu béton on les respecte. Moutouana azaïna respect national. Bazongi mikila entre les pattes. Donc, bo vérifier, bo moni ke non, non, non, moutou, oyo leke la tatou béton. Et comme ici, non, prof na niveau na yo. Bo ebi ke siko naza un niveau. Naza un niveau te, naza cuisinier. Po na bino, bo ebi ke cuisinier aza moutou pamba. Et pourtant, cuisinier aza moutou pamba te. Cuisinier ba kende lango université, ba zula lango doctorat. Parce que là, en doctorat, ils ont un département, une université, il y a cuisine, ils allient. Mais pour Nabino, tellement qu'on y a un bois et l'équipe, vous croyez qu'un cuisinier, ils allient juste un vanipier. Même si vanipier, c'est un Congolais. Même si ils allient cuisiner, mais ils sont Congolais. Du fait que la cuisinier, l'ongolinga nationalité congolaise. Alors. Ah. Oyo, vous avez besoin de YouTube, mais si maintenant, ils allient béton. Béton, mais nazo salanini wana, ce qui nazali ki yungu lokola Félix. Non, prof, yo ko loba bongo te, ko finga ka Félix, c'était insulte zali mabe, insulte zali mabe te, balobi ne respectez jamais vos bourreaux. Félix a zo mérité respect na bisote, parce que niveau ya insulte, oyo ba zo salami kolonyo son apeple na biso, boye biyango. Moral Nabino bozoya ko pesa juste parce que on a insulté babengi président Nabino idiot babengi ki yungu bo moni ka moralité ezali mais est-ce que boyebi moral manque ya moralité au Félix a osala vis-à-vis ya peuple na biso insulté ni peuple a zozo chaque jour wana bozo mona ngote bozo bima ba moraliste non prof na rana yo ko babongo rana ngana ko babongo te na ko babongo so bo mesana ndengwana na ba prof na bino a Congo ngai na ko babongo parce que un président qui ne respecte pas son peuple azana besoin ko bénéficier respect na bisouté ah azali vraiment ki yungu so ki na chete mbi boye na preuve boye la na preuve kazali ki yungu te ti yeso hoya mutu moko wayela nga preve te ke non olobaka Félix azaki yungu metala tala preve yango azaki yungu te mukolo yango na kosenga pardon na kochange mais ti yeso hoya jamais boya ata na preve moko te donc bande ko tenez toujours bon mboka na biso un jour ekozala toujours libéré même par biso te mais na loba yango toujours soki tolingi mboka na biso ezala libéré base ya libération na biso il faut to banda yango. Parce que si tu lobby tout petit comme Makambo, ou yo to remettre en moi demain, c'est que tu aurais poussé sous le bonheur, y a bana na biso pour demain. Les lots sont limités. Au remettre bonheur, y a bana na biso pour na demain. Les lots sont limités. Au salissi bana ya bana na biso. Na niveau to zali si koyo changement pour que mboka ezala vraiment très stable. Ezali pour na les lotés. Mais biso cette génération il faut tout téléma pour que tout tchaba base ya makasi pour que aide génération au baroya sima ba meka ko sala quelque chose pour na mboka na biso parce que niveau biyo mo ba bebi sili mboka na biso ezali pas si pour mutaya ko yebisa yo ke mboka na biso dans une année dans 2 ans eko bonga te nous on croyait que soit to che mwana ya mboka wa botami na makila ya Congo mwana pe o abotami na ndako ya opposant à radical. Les choses vont changer que akotia ba base moko ya malamu po aider génération oye koya ba continuer musala na ndenge ya bien. Mais malheureusement voilà, to yeko kabila yeko tira biso soko muntu a chele biso kiyungu kiyungu moko oye yeko tia biloko moko désordre moko koleka kutu ya idiot ya kabila. Alors pourquoi respect? Pourquoi on respecte? Parce que azo détruire biso. Azo détruire biso. Voilà donc, mes chers amis, ce que nalingaki koloba pona lelo. Vous allez me permettre na meka MP na lala muke 5h19 minutes na lala mamuke comme ça token de kayou na 9h. Donc donnez-moi même 2 heures na lala et on va se voir prochainement. Merci pour nako landa biso, merci pour nako partager. Abonnez-vous na zo mona sous abonnement na YouTube na biso. Abonnez-vous bandeko oyo bazalité bo benga bango ba s'abonner pour que to solaka masolo ya mboka na biso. Merci pour la confiance Sakine na Canada, je te vois. Merci beaucoup mon ami. Ozala toujours toujours wana. Merci. Balé qui na biso ba na biso lokola bino, il faut bazala lelo ke non azali na plaisir makasi na mboka na ye azu musala malamu azu salame. Quand on voit ba jeune na biso na ba mboka ba vandi kayu na ba mboka ba Canada moto akenda musala na tongo akenda aspe musala na pokwa alala galerni quelqu'un qui se réveille na 5h akeyi musala asilisi na 16h na 18h abandi musala mususu asilisi na 24h 23h akati azongi ndako avandi muke alamuki na 5h ake musala. Mais mutu oya wuti na mboka o ezali riche parmi ba plus riche ya monde nyoso wana pokwa pona biyungu oyo bacheli bazotchela biso na mboka na biso. Alors biso nde peuple nde bato tozo comprendre makambute tozo bosa na ke tozali na pouvoir ya kolongola banga obenga na bango bisika na bazali. Voilà, merci beaucoup pour nous partager, merci beaucoup pour nous abonner, pour nous abonner, parce qu'il y a Facebook, vous passez na Prof Yombi Vision, abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, tout là, la mouké, Monsieur Komi Kolemba, vous voyez, vous avez mis à Prof Komi Lokola, Lokola va en Corée, mis à Lokola va Coréen, des gens de Pongin de Moutéo Salangay. Laissez-moi dormir un peu, merci beaucoup, allez, au revoir et bien de bonnes choses chez vous. Confinement malamo hein binope surtout bato ba vaine Europe confinement ezali bo vaine nda papa bo sukula pe basani ba papa bo sukula basani bo sukula pe bana bo kombola ndako bo pamusa bandako bo lamba kape hein mama bandi banda mama zana banda bo sali mariage pendant 10 ans ya mariage 10 ans ya mariage bo zali na 7 enfants. Cet enfant, c'est-à-dire chaque deux ans, bozana moana. Donc, maman a zalaka na mukumba. Batu ba mona na maman wana pepelete. Soki ba moni na mukumba te, ba moni na moana na mukongo. Soki ba moni na moana mukongo te, moana na poussette. Ake ne otika ba na classe. A lamba, a pangusa ndako, a sala makamu nyoso. Me bino pe mwa muke ba pesi bino soki 2 mois, 3 mois. Ya confinement, bandeko na Europe. Bosala kamisala, mibali, bosala kamisala. Ah, bo pamusaka ndako bo kombolaka ba toilette ata mwa moko mais mama sala ango pendant 10 ans 20 ans 15 ans au bozana mwa ensemble ba se plenyakati e ba mama musoko ta kendaka musala ake musala ayeko zonga basani ndenga tikaki ndako salite ndenga tikaki bana salite ndenga tikaki bango ayeko zonga abandina no koleka na supermarché asombi biloko aya lambi yo banda ovanda ki na milanga masanga etondi na poubelle mama ya boya nzala sala noki alamba boye après bana ba holanda biso moya ko lâcher ba mom sous ses antes. Donc confinement ezali temps ya bitumbate ezali temps ya compréhension mutuelle ya ko salisana mutuellement. Moi je dis toujours Nazali na bana 5, hein? Bana na biso nyonso 5, babotama, ndeko moko te aya kosalisa, même o babotama na Congo, ezala o babotami na Corée, ndeko moko te aya kosalisa mwasi na ngai. Banda maternité nga moko, ba linge tout, bilamba salité, jour kaka boti na maternité nga moko na sukula, bilamba mwasi na ngai. Nga moko na lambaka na ndako pona bana na ngai. Nga moko na sukulaka bana na ngai. Donc banda bana nga ba botama bango 5 tozwa nano ta visite ya ndeko moko te. Ah kaka juste après to yo comme professeur bandeko ba komi ko bima mwasi na nga tango banda ko bota to vai na Congo tozaki na bandeko te ba place na futela ba yebi er moko pe ba voix ba voisin place zo futela ndako bazo sunga yo ah papa Patrick ne musala lelo na tokosale la yo basani ah. Et ma femme, surtout na Congo, kobota na césarienne. Il faut lamba na ndako, obongisa bana, oketika bango na classe, okei na hôpital, otikeli mama na bango biloko, aza na hôpital, abotaki na césarienne, olongwe na hôpital, oke musala, outi musala, ozongi, otali mama na hôpital, ozongi na ndako, olambi, otikeli bana, ozongi na hôpital, oketikela mama bana biloko. Et ça dérange quoi? Je suis professeur d'université. Ezala na Corée, ndenge moko. Ndenge moko ngai nakenda kosomba mungwa ah oui toza ba ndekufu to sola kato sisi deja baka ma politique c'est de la politique aussi ça parce que violence contre la femme nanda ko ezali pe mabe c'est la politique il faut politique et changer biloko wana ngai nakenda kosomba mungwa nakenda kosomba pilipili nakenda kosomba ndembi nasombaka j'aime beaucoup moi ça tinda ngai ya papa ndembi ezate mungu ezate ke somba mama moko na boutique moko na Korea ayela mwasi na ngala likolo amatela ye na ascenseur yo zotinda mobali na yako somba mungu ndembi mobali no c'était un professeur d'université to respectaka ye na yoka na vanda na chambre na yo ye moko omoni makambo lokela ngai kapite mama il faut ko sala tozali batu mwasi aza machine na yote tozali ba partenaire tozali ndenge moko. Soki na ke somba mungwa lobi na ton ki professeur na longwe amona ki nga na ke somba mungwa na zalaki na jacket lobi na tonga moni nga na voiture na ke na université na ke pesa ko ki professeur université longwe parce que ke somba mungwa alors biloko ana ya ko nyokola ka bana batu erozo linga ye vient bébé je t'aime na ko sombela yo sanza na soka liputa et par la suite ba menace ko beta. Congolais, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Ko sala musala na kati ya ndako na yo pona bana na yo pona famille na yo et ko longola yo valeur oza na ngoti. Et ko longola te bien au contraire et ko matiso valeur. Et ko matisa yo valeur. Voilà. Merci beaucoup. Ah, Saki. Yebisa papa sala musala. So azo sala musala te yebisa nga. Mukona ko yana mboka na nga mona ko yela e. Il faut salam sala akombo landa amakabana na classe. OK? Allez, merci beaucoup pour na merci beaucoup pour na kolanda biso et tokutani prochainement et au revoir. Allez, bye.